Le groupe de visite dont la patrie des étudiants de l'école supérieure coréenne de l'Association générale des Coréens restant au Japon, conduit par Pyun Yong-sung, arrivé le 30 juin à Pyongyang par avion, a déposé un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de rendre hommage.